Nous voulons dire bon Dieu merci, qui bat nos privilèges pour nous encore ensemble aujourd'hui. Hein? Nous louons nos lits pour privilège ça que les banaux. Et je dis à m'inviter nous pour nous ouvrir Bible nous ensemble avec nous. Nous allons aller dans 2 Rois, chapitre 6. Et nous allons méditer sur un épisode qui était passé dans la vie du prophète Élisée. Et c'est à partir de là, nous allons puiser ça que l'Éternel voulait faire nous joindre aujourd'hui. Notre Père, notre Dieu, nous disons merci pour grâce. Nous soumettons que nous à nous-mêmes dans ce moment ça. Nous soumettons bouche nous à nous-mêmes que parole que nous pourrons parler yo capable joindre chemin que petit tout yo quel que soit côté yo yé dans moment ça et que changement que ou même ou voulez ya capable opérer dans la vie yo pour bien-être yo et à ta gloire au nom de Jésus. Amen. 2 Rois chapitre 6 Napli, verset 1 à 7. C'est un petit épisode que nous connaissons déjà. Mais, en nous voyant les yeux nous sous texte là. Vous savez, le petit bagage pour nous joindre. Mais comme moi dis nous toujours, yeux nous sous parole là. Parce que les yeux nous sous lit, les oreilles nous attendent lit. L'ipral rentrer dans cœur nous pour changement capable opérer par un lié principe là Dieu nous sous parole nous lions bagay tout le temps mais c'est là nous rester sous lit pour nous joindre révélation moi rappelez-nous déjà que révélation chaque fois me parler de révélation révélation c'est pas précisément un rêve qu'on fait. Parce que mon révélation, au fil et à mesure, on a parlé de lui, il vient prendre l'idée, on a dit, ah, me font révélation, tant qu'on me font rêve, mon vision. Mais révélation, moi, c'est révéler quelque chose. Texte là capable devant là, mais toi, méditer sous lui, le Saint-Esprit révèle yon bagay sous texte ça qu'on la donne pourtant chaque jour. Et lors découvrir ça, lorsque révélation ça, son bagay qui vini et pour prendre ou prendre net par rien qu'à retirer la main. C'est raison ça qui fait faut que nous toujours gain yeux nous sous texte là méditer pour découvrir des messages cachés qui gain là-dedans. 2 Rois chapitre 6 à partir verset 1er, je lis les fils des prophètes dirent à Élisée, voici l'endroit où nous habitons en ta présence est trop réduit pour nous. Allons donc jusqu'au Jourdain. Nous y prendrons chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Il répondit, allez. L'un d'eux dit, consent donc à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il alla donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent des arbres. Comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur, il était emprunté. » L'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé ?» Il lui montra l'endroit. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta au même endroit, et fit surnager le fer. Puis il dit, « Reprends-le !» L'autre tendit la main et le prit. Voilà, frères et sœurs, petit épisode ça, que généralement nous remènons pour Timon Nouyo. Pour nous parler de miracle, ou miracle que Élisée était fait, il fait et mon sob fait, rache là, monter, surnager, qui transgressait une loi physique qui dit que tout corps ça yo subit une pression qui fait l'obliger couler, mais voilà que Élisée pral déposer un petit morceau de bois physique là dit bois lui-même li surnager. Et voilà que Élisée pral déposer un petit morceau de bois au même endroit où le fer était plongé et texte la dit li fait morceau fer flotter tant que morceau bois était. Mais on veut genou pour nous qui ça n'a puiser en dans ti parole ça. Les fils des prophètes dirent à Élisée, voici l'endroit où nous habitons en ta présence est trop réduit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain et là nous y couperons des arbres et nous allons faire un lieu d'habitation. Bonne intention. L'église la trop petite, en nous a grandi l'église là. Nous chaque gagnant, yon bagay que nous ka fait. Nous chaque gagnant yon pout que nous ka coupé. Mais en pile, chay pa lou. Allons jusqu'au Jourdain. Nous y prendrons chacun une poutre. Nous gagnons yon bagay que nous ka fait pour nous agrandir l'église là. Pour nous agrandir le lieu d'habitation. Nous gon bagay que nous capable faire pour nous agrandir le royaume de Dieu. Pour nous permettre le royaume là répandre les sous terre. L'apôtre Paul, en parlant du corps, dit « Bon Dieu place chaque membre côté nouvel placé ya, parce que c'est là le besoin de service. » Koto yé ya la, ou là parce que bon Dieu besoin de service ou là. Bon, vous prenez samedi à la. Koto ou placé ya. Ou pas là au hasard. Ou pas là pourquoi. Bon Dieu placé chaque membre dans quoi koto ou elle placé là pour une raison spécifique, une raison bien déterminée. Bon Dieu placé au koto ya pas juste parce que et forme de ça ou pas. Alors bon mal ensemble avec nous dans Psaume 133 un moment. Psaume 133 dit voici qu'il est agréable, qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Il est bon, il est agréable, bon Dieu remet ça. Et l'homme continue le texte là, il pral dit car c'est là verset 3. C'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et généralement, toujours on dit, c'est une raison qui fait présence ou nécessaire à l'église là. Faut ou aller à l'église là. Mais pour quelle raison m'aller à l'église là? Est-ce que mon Dieu va bénir côté mien? Oui, il bénit côté mien. Mais texte là dit, quand les frères sont ensemble, quand ils demeurent unis ensemble, il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble, d'être ensemble. C'est là que l'Éternel donne la bénédiction. Même fait d'où il y a bon bénédiction pour la côte où il y a. Eh bien justement, bénédiction la bon côte où il y a, li pou ou. Mais bénédiction ça là, kembe sambadou là. Bénédiction ça là que li répand dans assemblée ça li pou l'autre moun nan. Mais c'est ou potel. Et bien attendez bien. Chaque membre dans corps là gagne une raison que fait là. mais li pa la pou li. Ou se mango ye. Mais pa jan mwen yon pye mango ap manje mango. Pye mango a pa manje mango. Mais li pote mango a pou lot moun manje mango a. Pye zaboka a pa manje zaboka. Mais li pote zaboka. Imaginons pye mango a di bon mwen pa jan manje mango, mwen pa bay mango anko. Se pa doal parce que li la pou bay mango pou lot moun manje mango. La bénédiction que vous portez, remarquez, c'est là, lorsque les frères sont unis ensemble, Dieu envoie la bénédiction. Quand elle passe, le voyez, il passe par vous-même. Donc ça veut dire qui ça? Nous, chaque, nous gagnons une poutre que nous portons. Et l'un porte poutre ça. Nous mettons tout ensemble, nous bâtissons ce lieu d'habitation. Nous construisons cette maison où le Seigneur habite. Vous êtes le corps du Christ. Vous êtes le temple de Dieu, du Saint-Esprit. Nous, chaque, nous sommes membres. Donc, à partir d'aujourd'hui, l'eau à l'église. En plus, le monde dit, bon, même pas besoin à l'église, ça, parce que l'homme à l'église, ça, je pas joint en rien. Tenez bien. Je dis, on va résoudre le problème, ça, là, net. Si vous allez à l'église là où joigne, béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Mais ce n'est pas la principale raison où allez à l'église. Ce n'est pas pour capable de joindre. Vous allez à l'église parce que vous portez une bénédiction pour l'autre monde de l'église là. Je veux dire, quand nous fâchons, là, moi, je ne suis pas bien avec nous. Nous t'arrêtons, c'est pour nous toujours joindre. Donc, si je me pasteur n'a pas bien prêché, je ne suis pas joindre. Donc, je ne suis pas venir encore. Ce n'est pas dans la prestation le problème. Ou non, c'est que vous-même, vous portez une bénédiction pour l'autre monde. Par contre, si nous connaissons, je dis, je n'ai pas envie d'aller à l'église. Je n'ai pas envie d'aller. Tout d'un, je n'ai pas envie d'aller. Finalement, vous avez qui pape de mettre mes sous, d'où en aller. On écrivait pas porte d'église là où jouait le monde qui t'attend. On dit, un tel, c'est où tu as besoin. J'ai une question pour me poser. J'ai un bagage, c'est seul ou même qui est capable de porter pour moi. Et finalement, on dit, c'est pour ça que je devine l'église là. Bien justement, parce que c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Donc, là où on décide de ne pas praler ou pas à l'église là pour où, ou à l'église là pour yon l'autre monde que bon Dieu va l'utiliser. Ou même, bon bagage. Que vous portez que bon Dieu pourra l'utiliser pour le bar ou l'autre monde. Nous connaissons une série de messages, une série de bagailles et en créant dans nous et nous obligés de retirer bagailles ça yo pour nous capables venir parce que chaque fois nous dit nous c'est instrument la main bon Dieu et ben justement instrument la main bon Dieu utilisons comme instrument côté le place là dans travail côté le métaux là au travail ça si c'était moi pas t'ap choisir d'accord c'est pas au choisir donc au conscient que royaume bon Dieu a mettons côté bam tout dit un bagaille là le texte dit allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. On était là un petit moment. Marc dit par tout le monde. Français a gagné deux partout. Il y a un partout qui collé, mais il y a un partout qui pas collé. Youn, c'est ça Marc utilisé là, aller par tout le monde. Par tout le monde ça, je ne dois pas jamais quitter le pays, là, mais en dans le pays, ça, dans tout le monde. Je vais m'expliquer ce que je là, parce que je dis à ma douce bâle qui est là, si tu as posé ça nous. Par tout le monde, et laisse attendre, le monde du sport, faut aller la donne. Le monde de la médecine, faut aller la donne. Le monde du droit, faut aller la donne. Le monde de l'éducation, faut aller la donne. Le monde des loisirs, faut aller la donne. Aller par tout le monde, dans chaque différence bagay sa yo. Aller la donne. Généralement, chaque fois qu'on a parlé de royaume bon Dieu, de prêcher l'évangile, de travailler pour Dieu, pour nous travailler pour Dieu, nous obligés pasteur. nous obligés anciens, nous obligés diacres, sinon nous ne travaillons pas pour bon Dieu, mais non. Et tant ou même ou mécanicien, le royaume de Dieu besoin mécanicien qui c'est des mécaniciens du royaume. Et quand on y est là dans mécanique quoi faire, conseil de monde qui pas à joindre monde dans l'église, mais c'est où la vienne joindre. Donc là dans monde ça c'est où la vienne joindre par gens pour le travail avec lui, par gens pour le présenter royaume là, ou bay monde dans yo mais on pas de prêcher, on pas de venir demander pour le baptiser, c'est pas l'âme d'eau, mais dans travail qu'on va faire. Dans onction le Saint-Esprit qui gagne sous nan rapport ou pral gen a moun nan ou gen ou se yon ouverture pou royaume de Dieu a atteinn moun sa ki vini par machine ni nan shop wa ou même se tèt ou kon peyen ou son ambassadeur la nan monde cosmétique la ou pa mete de bonjour ti a se par l'église moi et donc et ton par l'église la mais l'on nan studio a ou di tout bagay gon moun ki di sou besoin kon ki sa gen nan la vie a dans le monde al non studio côté y a fait tête côté et mesdames y a et en bas ses choix là ça va t'attendre toute bagaille toute parole maintenant ou même ou c'est dans cosmétologie a ouyé ou gon studio ou son ambassade pour royaume bon Dieu donc en dans studio pour là qui parole qu'a parlé là y a parlé qui ça ou même on dit tout parce que dans tout le monde là monde cosmétique là ou c'est ambassadeur la donne. Alors, bon, tonen nan de roi, pou m'pale trop jodi a. Nou chak, nou gagnons poutre pou nou couper, pou nou vin placer en dan construction l'église la, en dan construction édifice la. Et nou pralé, nou chak nou pral couper, et prophète la di, allez-y. Bonne idée. Pas oublier, la parole de Dieu nous dit, nous l'île déjà avec nous, Job 22, verset 28, tu décideras et décréteras une chose et elle s'établira pour toi et la lumière brillera sur tes sentiers. Job 22, 28. Au conseil de décision, obligé, prends. Et l'on prend décision, ça, yo, ou décrétez-le. La lumière a brillé pour sortir ou faire arriver fait. Nous praler, nous pral couper un pout. Nous chaque pour nous venir mettre le texte la dit, prophète la dit ni, allez, consentir avec nous, allez, ça nous dit ya, la lumière a brillé sous ça décrété ya et l'a réalisé. Mais alors que vous praler verset 3 dit l'un de dit consent donc à venir avec tes serviteurs. Bon Dieu, pas jamais voyez-nous à faire un bagage pour li pas ensemble avec nous. Frères et sœurs, Ancien Testament ba nous des principes que nous pourrions réalisation tout dans Nouveau Testament. L'Éternel pas ba aucun monde travail sans li pas la tout. Il est le berger, n'oubliez pas ça. Le berger dit toujours, suivez-moi. Jésus présenté comme le bon berger. Maintenant, quel que soit ça, bon Dieu, d'où fait, l'y fait déjà, l'y d'où maintenant, fait j'aime d'où fait là, suivez-moi. Consent à aller avec nous. Et texte l'a dit, oui, voilà avec nous. Pas oublier, Jésus dit moi, voici, je suis tous les jours avec vous. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est une semence qui doit être plantée, arrosée, cultivée, récoltée, et broyée, et ensuite préparée pour que gâteau au besoin de joindre, satisfaction au besoin de joindre. Ça veut dire qui ça, frères et sœurs. Prends parole, bon Dieu, pour s'allier et utiliser parole. Le bon Dieu dit, nous yon bagay. Fait que la Bible tourne dernier mot dans la vie nous. Je vais prêcher un message pour nous, le message qui parlait de Jésus, c'est l'alpha et l'oméga. L'alpha, c'est le commencement. Donc, ça veut dire, quelque chose ça me parle, déraper, faut me déraper par alpha. Alpha, c'est qui ça? C'est la parole, c'est Jésus. Il est l'alpha, me déraper par lui. Et si vous m'avez parlé, comment c'est fait? Je ne pas commencer par parole là, je commence sans alpha. Donc, je commence sans bon Dieu, sans avis bon Dieu. Je ne pas reposer sous lui. Alors, étant c'est alpha, lui c'est oméga, mais en même temps c'est lui tout lui même tout. Donc on commence avec, on finit avec. Ça veut dire tout, en même temps, dans tout en même temps, l'ensemble avec. Il est toujours avec vous. Si ma prière dit Seigneur sois avec moi, lui prend ça comme une incrédulité. Seigneur, sois avec nous. C'est parce que nous pas quoi que là avec nous déjà. Nous fait parole li di noua, c'est menti lié. Seigneur, sois avec moi. Une belle parole mais c'est une incrédulité parce qu'on pas quoi que là. Qui ça le dit? Voici. Je suis. Dit pas d'où je serai, non. Je suis où ça? Avec vous quand? Tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Ou pas besoin de demander, le Seigneur ne m'abandonne pas, li papa abandonne, li dou, je ne vous abandonnerai jamais. Et nous dit, il est le même hier, éternellement, li pas changé parole, li, mais le nous dit, il pas abandonner nous, donc le ça, li dou, moi m'pap, jamais abandonne, m'pap, jamais abandonne, donc, le me dit pas abandonner, c'est parce que m'poko kwè. M'pa kwè que la vèm. Et le ça mais ça qui vient passer, Jacques rattrape moi pour dou, pi gam jam kwè que ça m'a demandé à m'a joindre ni parce que m'son moun a deux cœurs. M'a demandé bon Dieu pour li avèm alors que bon Dieu déjà dit li avèm, m'pa kwè la vèm, même toujours prier ça yo, ce sont des prières d'incrédulité. Et yo empêché me joindre solution an, au lieu de bam réponse là. Consent à être avec nous et il dit je vais avec vous. Mais Jésus paraît lui-même lui dit je suis tous les jours avec vous. En plus, je vous enverrai le Saint-Esprit et il sera toujours avec vous. Donc pas gonti mai. Que bon Dieu pas avec nous. Pourquoi? Parce qu'il est en nous. Nous pas de problème avec nous. Nous avons prié, nous prier, nous connaissons prier, nous prier, nous prier, nous prier, nous prier. Mais, bon série de prières, nous capables, juste réduit, là seulement nous convaincus que Dieu est avec nous. Parce que qui côté bon Dieu capable d'aller? Qui côté bon Dieu capable d'aller? Sans, c'est pas avec, puisque c'est moi-même qui temple, c'est moi qui porte. Bon Dieu, pas qu'à marcher sous terre sans moi. Bon Dieu, oh, qu'est-ce qu'on dit, problème avec moi, je dis, bon Dieu, pas qu'à marcher sous terre sans moi, parce que je suis le temple du Saint-Esprit. Ah, donc il est avec moi tous les jours. Le ça du lila. Le ça red lila. C'est ça pour me convaincre. Il est toujours avec moi. Jacob, pral dim dans la Genèse. Jacob, le rive le tap voyage. Finalement, le fait songe dans li ouais échelle là. Jacob dit ah, Dieu était là. Mais je ne le savais pas. Eh bien voilà, c'est exactement ça le problème. Dieu est toujours là. Mais le problème, ce n'est pas que Dieu n'est pas là. Le problème, c'est nous-mêmes qui n'est pas conscients de sa présence. Et Dieu ne se manifeste pas. Tout autant, nous pas conscients de sa présence. Alors, ils sont partis avec Élisée. Et alors que il a coupé bois, arrivé au Jourdain, verset 5, ils coupèrent des arbres. Toute l'église là en action. Tout département à travail. Tout le monde à l'œuvre. Travail là à fête. Comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Nous allons chiter là, je veux dire. Le fer tomba dans l'eau. Comme l'un d'eux abattait une poutre. Nous allons parler, nous, déjà, des chrétiens de groupe. Le nan groupe là, tout le monde a travaillé, tout le monde a prié, tout le monde a jeûné, tout le monde fort, alléluia, tout le monde fort. Mais lorsque bagaille là paraît seul, lorsque moi retiré grand écran sur toute foule là, mettez-le sous ou même seul, le ça, en pile bagaille pour le révéler. Alors que l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. On réfléchit un petit moment. Fer là, c'est qui ça lié? C'est lui-même qui, pour couper bois, c'est rache là, c'est cogné en français, c'est tranchant. Bois, c'est lui-même qui pour juste aider moi, pour manier, mais ça coupé, ce n'est pas boire, c'est faire. Vous voyez, j'ai nous là ensemble avec moi, je ça pour couper les bagailles, ce n'est pas boire, c'est faire. Je vais vous dire une troisième fois, parce que je voulais attirer l'attention nous là, je dis. Ce n'est pas manche là qui couper pied boire, c'est faire. Donc, nous sommes capables de faire tout effort avec manche là. Imaginez-nous, moi j'ai une manche qui n'a pas gagné faire à la donne et m'a frappé. Arrivé à un certain temps, vérifier un bagaille. M'a crasé, moi quand même là. Je dépense force moins et je n'ai pas besoin de satisfaction parce que pout là, pas coupé. Manche là, pas coupé pout là. Oh! Combien de fois, frères et sœurs, nous gagnons seulement la main nous, yon manche. Manche là, pas gagné tranchant la donne. Mais voilà 10 ans, n'a frappé avec manche là. Voilà 20 ans, depuis que je connais Adventiste, depuis que je connais chrétien, depuis que je connais l'église, 20 ans, m'a frappé, mes pieds bois pas jamais bougé, li pas jamais souqué, parce que ça là même là, c'est qui ça? Manche là. Et je suis frustré. Pour qui raison pas capable joindre ça me besoin? Pour qui raison pas capable gain satisfaction? Parce que moi gain la même yo manche et faire tomber dans de l'eau. Des femmes pas même rendre moi compte faire tomber, même continuer à frapper. M'a frappé qui ça? M'a frappé manche là. Frères et sœurs bien-aimés, depuis qui le fait à qui n'en manche ou en tombe? Je dis à m'vin réfléchir avec nous. Chit un petit moment ensemble avec mes tombeaux table là. Depuis qui le fait à tomber? Depuis qui le cogné a tombé? Et ou a frappé? Ou a frappé et ou kembe manche lan dur. Ou kembe manche lan dur ou a frappé. Mais depuis qui le konye a sorti nan manche lan et li coulé en bas de l'eau. ou pas efficace avec manche dans la main sans cogner à paladin. Qui côté cogner là tombé? Remarquez. Immédiatement, notre prophète ici, notre étudiant, criait, « Ah, mon Seigneur, il était emprunté. » Ah, nan de l'eau là. Li pat même pour moi. Prêtez-moi de prêter. Donc là il dit mais raison qu'il faut pas de prêter parce que l'eau ou prêter, bah elle a perdu l'amour, obligé à l'acheter pour remettre ou pas acheter pour corps ou même qu'on est obligé à l'acheter pour remettre. Donc là il dit l'eau ou prêter en fait l'eau prêter on pas avancer vraiment. Parce que ou pral achetez-le pour remettre, donc vous venez à même niveau. Sinon, puis bas même. Ou pas avancer vraiment le prêté. Nous ne pas rentrer dans le sujet ça aujourd'hui. Maintenant, le prophète l'a dit, où est-il tombé? Frères et sœurs, je dis à nous réfléchir, la même raison qui fait en pile dans la prière, mais pas qu'à résoudre. Parce que qu'on y est tombé dans de l'eau. Alors, est-ce qu'on prend conscience de qu'on y a pas là encore? Est-ce qu'on est conscient que nonchalant, ou a frappé avec elle, ou a battu avec elle, mais on pas capable d'aller avec lui parce que lui pas capable de couper pied bois. Frères et sœurs, attendez. Là, la Bible a dit une série de bagailles. Quoi dans la Bible? La Bible a dit que ou même à propre force pour ou pas qu'à ajouter you coudé à la vie. Ça veut dire qui ça? Que me stresser, que me pas stresser, que me goumen, que me pas goumen, que me relé, que me pas relé, que me pleine, que me pas pleine, pas qu'à ajouter you plim cheve sous la vie. Et Jésus même dit ou pas capable ou branche cheveux dans tête ou pas qu'à sauter tomber si bon Dieu lui-même pas vlil. Donc ça veut dire tout stress m'a baille comme là, tout tracas m'a baille comme là, tracas m'a baille comme pas qu'à dormir, pas qu'à manger, pas qu'à rire encore, pas gain temps dans la vie encore. Donc la vie a c'est plein de moments plein et tout plein ça yo connié à tomber. Même si manche l'an même, m'a frappé, m'a fait double, m'a levé grand matin, m'a tourné à souhait, dôme raide, m'pa kab encore, mbouke, m'pa ka konye ya, pas nan manche l'an, li pap kapab coupe pout la. Je dis m'pa la vo, ou comprenne parole la, je dis ya. Qui côté Konyo la tombé? Isaïe, chapitre 41, verset 15, dis-moi yon bagay. Voici, je fais de toi un traîneau aigu tout neuf garni de pointes. Tu écraseras. Tu broyeras les montagnes, tu rendras les collines semblables à de la menue paille, comme des balles. Ce traîneau aigu qui a tranché, c'est ta parole, c'est ta langue, c'est ta bouche. Maintenant, la parole de Dieu, c'est lui-même qui épée tranchante ça. Et bon, pour le dire, la parole de Dieu est une épée tranchante à double face. Épée ça, c'est lui-même qui coupe, c'est lui-même qui broye, c'est lui-même qui défend, c'est lui-même qui âme offensive ou âme défensive. Maintenant, si m'a prié, m'a parlé, même pas mettre en dans manche là, tranchant ça, qui est la parole de Dieu, m'a fait 20 ans à parler, 20 ans à prier, 20 ans à réciter yo la prière, même pas mettre en dans li, konye ya, pas mettre en dans li, ça qui pour fait travail là, m'a travail en vain. Frères et sœurs bien-aimés, épée, tranchant, rache là, c'est la parole de Dieu. Cette parole de Dieu qui sortit dans la bouche, c'est lui-même qui cognait ça pour racher, abattre, poutre. Souvent de fois, n'a réglé une série de bagailles. N'a essayé de faire une série de bagailles avec propre force, non, avec propre volonté, pas nous. Nous laisser de côté la parole de Dieu, alors que dans petit carton qu'on recevait, il dit ou pas jamais capable de joindre un rien si ou pas mettez parole bon Dieu à comprendre en Bible là, non bagay ça. Parce que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et bon Dieu pas gagne rien fait sans parole li. Donc quel que soit ça, moi me dois gagner. Quel que soit ça, me dois réaliser. Faut me faire qui ça fait exactement Jean bon Dieu fait là. Soyez les imitateurs de Dieu. Prends parole là. C'est parole là qui cogne là. C'est parole là qui rache là. C'est parole là qui tranchant. Mettez parole là dans manche là, dans bouche moi. Et là ça l'air tranchant collé dans bouche moi, parole là, substance là. Alors, m'a capable couper les arbres, couper. Et la Bible parle plus loin avec, me dit avec même les mêmes, m'a capable transporter les montagnes. Puisque nous sommes créés à la ressemblance de Dieu, nous n'obtiendrons rien pas avant de déclarer cette chose par notre bouche. Et cette chose, nous la trouvons dans la parole de Dieu. Nous joignons la parole là, nous mettons dans le cœur nous et nous utilisons la bouche nous. C'est ainsi que nous allons arriver à battre dans la vie nous tout poteau ça yo, tout poutre ça yo qui pour permettre nous réaliser, frères et sœurs, ça nous voulait, ça nous doit réaliser. Alors, je dis à question à poser pour vous. Depuis qu'il est au père du cogné? Depuis qu'il est la Bible, juste pour vous, il y a un livre pour les sommes. Ou une parole prière, lit des sommes, lit nous lit des sommes. Et puis nous lit sommes, nous mettons là, et puis nous prions, nous prions, nous prions. Mais la Bible mettait de côté. Nous quittons manche là, nous frappons manche là, mais nous mettons de côté. Et qui sage, bon Dieu dit Josué, pour le capable couper tout poteau yo, que cette parole de la loi, ce livre de la loi, ne s'éloigne jamais de ta bouche. Jamais. C'est lui tranchant. Que cette parole ne s'éloigne jamais de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Méditer, c'est penser à parole là. L'enlever à qui sont pensés. Nous devons essayer d'entendre voix qu'on parler. Essayer mettre enregistrer voix, qu'on pourrait glancer de bagarre. Ensuite, tendre pour ouais. Qui parce que bouche ou abdou toute ça comme dedans. L'enlever à qui sont réfléchis. Avant de dormir, à qui sont allés dormir. Pendant nuit là, à qui ça l'espoir à travailler. Et l'enlever, qui ça sorti dans bouche. L'orgon pression, qui ça sorti en vent. Tout ça c'est des signes pour faire ouais, qui côté perdu cognier. L'on problème vini, La Bible dit, l'on presse nail by lettre, mais l'on presse, le problème n'a presse sur vous, ça en d'un collègue qui a sorti. Veillez pour elle, l'on problème, qui s'est sorti? L'on moun bokoto dans le travail, qui a paniqué, qui s'est sorti? Le pression ça vient sur qui s'est sorti? Ah! Moi, je dis non, bagaille. Si ou pas mettez tranchant dans manche là ou a frustré ou a déçu manchoan après t'el craser et ou a fait colère ou pas mal encore du tout mettez tranchant dans manche là tranchant c'est la parole de Dieu frères et sœurs bien-aimés. L'île pour nous suspendre, vivre n'importe qui gens pour nous vivre par la parole. Le juste vivra par la foi. On définit la foi. La foi, c'est prendre la parole de Dieu et mettre le dehors en bouche. Oh, m'bayan ban définition là. La foi, c'est prendre parole, bon Dieu. C'est prononcer ça, bon Dieu, déjà dit, ya. Sous situation impossible, yo. Prononcer parole, bon Dieu, ya. Sous lui. C'est ça la foi, yo. Le juste vivra comment? En prenant la parole de Dieu et en prononçant la parole de Dieu sur les situations impossibles de la vie. Mais ça la foi, yo. La foi, c'est pas un effort physique, c'est pas un effort dans l'esprit. Oh, oui, j'ai la foi. Non, non. La foi, c'est prendre sa parole, la dire, mettre-la dans la bouche. Moi. Il dit, je suis guéri. Qu'est-ce que je dis? Je suis guéri. C'est ça la foi a dit. La foi a dit seulement ça, bon Dieu dit, me dit. Prends pleinement contrôle langue et remplis langue ça de la parole de Dieu. C'est lui qui tranchant, c'est lui qui rache là, c'est lui qui couteau, c'est lui qui objet pointu là, avec toute dent ça au cap racher briser là. L'heure pour nous quitter parole bon Dieu à goumen pour tête. Les nous voulons goumen. C'est généralement nous voulons goumen pour bon Dieu. Nous voulons avocat bon Dieu. Bon Dieu, pas mando pour faire avocat. Bon Dieu, mando pour ses témoins. Témoin pas plaider dans le tribunal. Témoin, juste dit ça loué, dit ça le tendez, mais ça témoin en fait. Il n'est jamais dit dans la Bible, vous êtes mes avocats. Il est dit, vous êtes mes témoins. Témoin, ouais. Moi, ouais, ça bon Dieu dit dans la Bible là. Mon témoin fait qui ça? Li dit. Non, je vais battre tout le monde pour faire le converti. Gouman avec le bal coup de poing pour faire l'accepter. Je n'ai pas besoin de ça. Juste dit ça, moi. Mais sa parole là, dit. Ça me tendait, bon Dieu, dit ya, me répétait. Et nous songez, nous disons ça déjà. Ça qui fait plus poids dans le tribunal là, c'est pas bel français avocat. C'est pas belle avocat râle tout gros livre li tout mot latin. C'est pas ça qui baille poids, mais ça qui baille poids c'est est-ce qu'on bon témoin? Oui, bon témoin. Protè témoin hein. Meni, témoin ça ouais, ou vérifier, mais ça ouais ka gagné. Mais avocat met parler toute belle colonne française gagné. Est-ce qu'on bon témoin? Non. Et en pile cas, même quand moun nan fait crime nan tout bon, mais pas gagne aucun témoin, pas gagne rien comme une preuve qui capable confirmer ça, ka pas réussi. Mais ça bon Dieu mando. Li mando pour un témoin. Mettez konye a nan manche là. Konye a, c'est pas prier parce que ben après le fait pour ou. Konyea, c'est pas prier frère tel a fait pour. Ah je vais chercher frère tel juste non aux ultiques pour venir faire une prière spéciale pour vous, c'est pas ça solution. Parce que gon bon problème bon do ça. Gon série de problèmes qu'on gagne là. La caille ou là. Solution problème ça, li de l'intérieur vers l'extérieur, li pas de l'extérieur vers l'intérieur. Gon série de prière que ou mon a fait pour ou, prière la fait pour ou, pas qu'à ouvrir porte là parce que porte là manche là c'est en dedans lié, c'est de l'intérieur vers l'extérieur pour l'ouvrir. Vous dire quel que soit gros prière ouais mon a fait pour moi problème la solution il sorti de l'intérieur de ton cœur. On va entendre dans créole yo dou m'gen droit parler pour peser gros orteil donc ou fermer porte là de l'intérieur donc quel que soit ça m'a dit pour gros orteil pour ferme bamdo je dire ça déjà un monde qui malade. Et il était doué l'autre là en cob. Alors monde qui doué a il couché l'hôpital qui malade là. Alors l'autre là qui t'a prêté l'argent, ouais maladie a ou gens grave et puis il vini la prier pour lui. Mais la prière du Seigneur pas quitter un tel mourir ou connaît qui gens un tel important pour nous. Et monde là qui malade dit Seigneur pas occupé. C'est pour l'argent là dit ça, Seigneur pas occupé prier ça. C'est parce que m'douel la dit Seigneur pas occupé. Donc quel que soit grosseur foi que il mette dans prière la fait pour l'ia, gros orteil ça apaisé à l'intérieur, rien pas marcher parce que il dit Seigneur pas occupé prier ça. Moi j'ai besoin nourri pour ça m'ba là. Mon petit blague, me fait nourri, c'est vrai, mais c'est exactement ça pour nous comprendre. C'est de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, qui côté qu'on y a perdu dans la vie? Depuis que l'on pas baille la Bible, régler rien pour vous encore. C'est droit à l'église. C'est droit dans toute activité de l'église. Mais qui baille la Bible après tout le temps ça? Qu'on y a pas la donne encore. Alors, quel que soit gros sacrifice ou fait, quel que soit gros dîme ou baille, quel que soit gros offrande, action de grâce ou baille, ou gagne yon manche la mort, mais ou pas gagne tranchant la donne. La parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Attendez. Si moi-même, moi j'ai une parole là qui dit, aucun fléau n'approchera de ma tente. C'est sa parole là dit. Mais quel que soit, petit symptôme maladie, petit fléau qui apparaît, c'est pour moi, râler tranchant pour me dire, côtoie vina parce que mais sa parole l'a dit aucun fléau n'approchera de ta tente. Chaque jour nous ouvrons bouche tout samedi à m'attraper une grippe ou attraper elle va me prendre doucement pour t'aller sortir moi attraper une grippe. Ça veut dire yo voye grippe là ou même ou paré mais ou attrape li et qui j'en attrape li à bouche m'attraper grippe là et puis grippe là prend naturellement parce que ou attraper chaque année m'attraper ou attraper yo voyel ou prend même dit non pas besoin premier petit symptôme tout ce qui paraît là moi dit non je ne veux pas m'pas besoin m'pas attraper utiliser parole là utiliser tranchant utiliser cogné à frères et sœurs. Alors, on finit, non? L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Il lui montra l'endroit. Je dis à ma tante, moi, parce qu'on dit Saint-Esprit, hein, mais qu'on t'aime perdu qu'on y est, non? Mais depuis qu'il l'a, m'a pas la Bible à régler rien pour moi encore. Mais depuis qu'il l'a, plus quoi sa téléphone dit, plus quoi sa zami m'a relé m'dim dans le téléphone, que sa Bible a dit, non? Plus quoi sa télévision a dit, non? Nous plus quoi ça boss la dit que Bible Seigneur mais depuis l'aime pas bail la Bible a réglé rien pour moi alors qu'elle dit déchargez-vous sur lui de tous vos soucis vous dites mais ça c'est parole la Bible mais si moi pas prend souci qu'est-ce qu'elle parle pour moi c'est ça Bible a dit c'est parole la Bible et bien depuis qu'il a quitté Konya et puis finalement qui s'est venu à nous compte que stress ça comprend ou pas capable la donne. Tande lo ap plein pou ou pas capable parce que ou pas fait pour stress comme ça. L'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et la Bible me dit que l'homme est la gloire de Dieu. Youn nan bagay pour nous songer dans la gloire là. Gloire là vle di m'ap montrer yon bagay C'est pas moi, m'a montré yon bagay qui caché dans moi. Donc l'homme est la gloire de Dieu. Donc l'homme quelque chose à côté le paraît, l'a montré bon Dieu, donc bon Dieu caché, ça veut dire sous cela, c'est pas l'homme parce que l'homme est la gloire. La gloire n'est pas la source. La gloire c'est la manifestation de la chose, mais la source est restée cachée. L'homme n'est pas la source de la maison. Gouvernement pas source là. Si vous prenez l'homme comme source là, ou prenez gouvernement comme source là, ou fait ou tourner bon Dieu, son parent au compte de ça. Ou pas prier au bon Dieu, mon fait ou tourner bon Dieu. C'est eux même qui ou été metté, c'est eux même qui s'entour, c'est eux même qui loisir. Donc automatiquement ou baio place que seulement bon Dieu mérité. Source là, alpha. Alors, lui montrer le côté le perdu cogné. Mais côté me perdu cogné. Alors le texte me dit dans l'Ancien Testament, nous avons la grâce. Le texte me dit, alors Élisée coupa un morceau de bois. Le bois de la croix est là. La croix est dans tous les livres de la Bible. Le Christ est là. Il coupa un morceau de bois, le jeta au même endroit et fit surnager le fer. Dieu est un Dieu de seconde, troisième, quatrième, cinquième, énième chance. Il est toujours là parce qu'il dit « Je suis toujours avec vous ». Et j'ai une promesse dans la Bible qui me dit « Je ne me fâcherai plus jamais contre toi ». Ésaïe, plus jamais je ne vais m'irriter contre toi. Plus jamais. Alors, approche-toi de ce Dieu avec assurance. Même depuis qu'il aime perdu cogné à Seigneur. Un bouquet fatigué. Eh bien, justement parce que cogné a pas là encore. Alors, qu'est-ce que ça me fait? Montrer l'île. Seigneur, mais côté me perdu cogné. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a pris le morceau de bois. Là où le péché abonde. Fait à l'eau, lui couler. Le péché abonde. La grâce, le morceau de bois, surabonde. Mais remarquez, la grâce est placée au même endroit. Jésus vinil pour exactement place. Maladie, bois placé au même endroit. Il prend maladie. Pauvreté, il place au même endroit. Il prend pauvreté. Tracas, calamité, il place au même endroit. Il prend déjà. Mais ma fait nous remarquer un bagaille. Restez deux phrases pour verser à finir là, pour me finir tout. Il fit surnager le fer. Mais est-ce que nous rendons compte de yon bagaille là? Élisée, pas prend fer, mettez la manche là pour monsieur là. Li fait à surnager. Frères et sœurs, mais on se crée, oui, là, je dis. Hein. Bon Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Li monte sous la croix, il prend place où? Li prend place où, sous quoi? C'est sous la croix que Jésus vient pauvre. Parce que c'est là le transfert a fait. La substitution s'est opérée sur la croix. C'est sur la croix que Jésus prend toute maladie, oh, parce que sous terre, il est le campé, il n'est pas malade. C'est sous la croix qu'il prend toute. Et il prend la mort éternelle. Maintenant, verset 7 l'a dit, c'est à moi d'étendre ma main et de la prendre. C'est moi pour longer même. Prends faire, mettez-le dans cognière. La guérison, Dieu l'a déjà donnée. Il surnage, il sous de l'eau. Ta prospérité, li sous de l'eau. Problème, quel que soit, quand on voit l'esprit, il y a un problème qui a bouleversé l'esprit là, li sous nage déjà. Pas de aucune relation entre bois et fer. Et dès que bois déposé sous de l'eau, bois fait fer monter. Donc, pas dit mon problème. Sous tes comptes qui grosse problème, moi, quel que soit grosse problème, moi, il n'est pas capable pilou que le sang de Jésus. Or, le sang de Jésus, ça le fait. Il fait faire monter. Alors, on n'a aucune excuse devant mon Dieu. Parce que faire la vie ou là, il est surnagé déjà. Puis, il dit, reprends-le. L'autre tendit la main et le prit. Nous retournons dans le même point, hein, dans Marc chapitre 11. Quand tu pries, crois que tu l'as reçu et tu le verras s'accomplir. Recevoir, c'est prendre. Crois que tu l'as reçu. Et tu le verras s'accomplir. Voilà, frères et sœurs, ce que nous devons comprendre aujourd'hui. Prenons la parole de Dieu comme notre tranchant. Coupez avec parole. Coupez avec parole. Et je dis à nous, à côté, il était tombé la main, nous. Montrer Jésus, mais depuis qu'il aime, t'es perdu. Maintenant, fais confiance à la grâce. La grâce l'a dit, approchons-nous avec assurance au trône de la grâce. Et maintenant, crois-lui et prends guérison. Là. Prends prospérité. Là. Prends délivrance. Là. Remettez-le dans la manche. Là. Et maintenant, parlez. Ce qui est suffisant pour vous permettre de vous tenir avec assurance devant Dieu est plus que suffisant pour vous permettre de vous tenir avec assurance devant n'importe quelle situation. Si vous avez campé devant mon Dieu avec assurance, pas gain devant un rien, pas qu'à camper, et ceci avec beaucoup plus d'assurance, parce que devant mon Dieu, je campe avec assurance. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.